الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa limal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayu al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Fi yawm al-ithnayn al-qadim, ce lundi qui vient, le 21 de ce mois, yabda faslu al-sayf, il y aura le début de la saison d'été. Faslu al-harara al-mufrita, la saison de la haute chaleur ou bien la chaleur excessive, les hautes températures. Faslu al-utla sanawiyya, la saison des vacances de fin d'année. Wassayf fi hadha al-asr, l'été en notre époque, tashabuhu dawahir khatira, est accompagné par des phénomènes dangereux. Khumour, le vin, mukhadirat, la drogue, aras, fiha haram, des fêtes dans lesquelles il y a l'interdit, ikhtilat, la mixité, shawati, bihar, des plages, saharat, des soirées dans l'interdit, musiqa, musique, raqs, danse, zina, fornication, adultère, ila akhiri, etc. Kul hada yajri fi al-sayf. Tout cela arrive en abondance dans cette saison d'été. Sara al-sayfu fasla hurriya. L'été est devenu une saison de liberté. Hurriya min kulli al-quyud, liberté de toutes les entraves. Hurriya min ad-din, une liberté par rapport à la religion. Hurriya min al-akhlaq, une liberté par rapport à la morale. Bimana idha jaa faslu al-sayf, ceci signifie quand l'été arrive. Ba'da 'amin min al-'amal, après une longue année de travail, fa anta hurr, tu es libre. L'été est venu, tu es libre. If'al ma shi't, fais ce que tu veux. Wa min bayni al-dawahir al-sayfiyya al-'asriyya, et parmi les phénomènes estivaux contemporains, Uryun nisa, la nudité des femmes. An-nisa tu'arri shu'ur, les femmes laissent visibles les cheveux, wad-dira', le bras, ila al-katif, jusqu'au même le haut, jusqu'à l'épaule, wal-'unuq, la gorge ou le cou, wa a'la al-sadr, le haut de la poitrine, وَأَعْلَى الظَّهْرِ, le haut du dos, وَالسَّاقِ, la jambe, وَالْأَنَ, الْبَطْنِ, maintenant il y a même le ventre, وَنِصْفَ الْفَخِذِ, et la moitié des cuisses, وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ اللِّبَاسَ الْخَفِيفَ الْقَصِيرَ الشَّفَّافَ, la femme en été porte le vêtement léger, court, transparent, al-dayyiq ou serré, al-jaddab, le vêtement attirant qui attire de loin. Lianna al-harara tazdad fi fasl al-sayf. Tout cela parce que la température augmente en été. Wa khususan hunak, et surtout là-bas. Fahiya la taqil an 25 fi al-dhill. Elle n'est pas inférieure à 25 à l'ombre, 25 degrés à l'ombre. Wa nasina bi anna Allah a'tana fasl al-sayf harran jiddan. Nous avons oublié, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous a fait de cette saison d'été une saison de chaleur et de haute température, afin qu'on se rappelle pendant cette saison de la géhenne, de l'enfer et de sa chaleur excessive, infinie, afin qu'on fasse le plein pendant cette saison d'été, le plein de crainte, le plein du cœur, de la crainte de Dieu. إذا كانت حرارة الصيف أتعبتنا, si la chaleur de l'été nous fatigue, فكيف نعمل مع حرارة جهنم, comment doit-on faire avec la chaleur de la جهنم. وإني أحب اليوم أن نعرف رأي الإسلام في لباس النساء في الصيف. Aujourd'hui, j'aime avec vous voir l'avis de l'islam à propos des vêtements portés par la femme en été. Min khilal arba'at as'ila. Et ceci à travers quatre questions. Nuwajjihuha lil-Qur'an wa sunna. Quatre questions qu'on va diriger au Coran et à la sunna du prophète. Prière et sage sur lui. As-su'al al-awwal. La première question. Kayfa yakunu al-libas fi l'islam? Comment doit-il être ou comment doit être le vêtement ou l'habillement en islam? Al-jawab min surat al-A'raf, al-aya 25. La réponse est tirée du verset coranique ou du chapitre l'enceinte du paradis, verset numéro 25. Ya bani Allah yatakallam ma'a bani Adam min bani Adam al-muslimin nahnu. Ya bani Adam قد انزلنا عليكم لباسا يواري يغطي سوآتكم وريشا ولباس التقوى. Ô fils d'Adam, ô enfant d'Adam, nous vous avons descendu un vêtement pour cacher votre ou vos parties intimes, ainsi que des parures et un vêtement de la piété. ذلك خير. Ceci est meilleur. لباس التقوى خير. Le vêtement de la piété, avoir la crainte de Dieu dans le cœur, ceci est meilleur. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. C'est un des signes de Dieu afin qu'il se rappelle. يقول الله من بعدها. Dieu dit par la suite, يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا. الشيطان ينزع عن آدم وعن حواء لباسهما أخرجهم من الجنة بهذه الطريقة. لا تنزعوا لباسكم يا مسلمات, لا تنزعن لباسكن. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما, أي نزع لللباس آت من الشيطان منذ آدم إلى يومنا وإلى الغد. متى وجدت موضة تأمر بنزع الثياب فهي موضة شيطانية. Ô enfant d'Adam, que le diable, que Satan ne vous tente point ou ne vous induit en erreur, comme il a fait sortir du paradis vos deux parents, c'est-à-dire Adam et Ève, en leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur partie intime. Le premier qui a retiré le vêtement pour un humain ou qui a voulu montrer les parties intimes de l'humain, c'était Satan. Et lorsqu'on note les habits ou une partie des habits, on ne fait que suivre Satan. فاللباس في الإسلام هو ما ستر السوء. L'habit en islam est celui qui cache la partie intime. Pas un pantalon court aux tailles basses, c'est interdit en islam. Parce qu'on voit le ventre, on voit la partie inférieure du dos ou la partie supérieure du postérieur, ça c'est haram. اللباس هو ما ستر السوء العورة. Le vêtement est celui qui cache la partie honteuse ou la partie intime. Min ghayri dhiqin aw dayqin, sans qu'il soit serré. Wala khifa, sans qu'il soit léger. Tu portes le léger. Wala shafafiyya, sans qu'il soit transparent. Wala ithara, et sans qu'il soit une source de discorde, sans qu'il soit attirant pour les autres. Wa ahsan libas huwa libas at-taqwa, et le meilleur habit pour Dieu est celui de la piété, parce que celui qui a peur de Dieu ne va pas exposer sa beauté devant les autres. Il a peur de Dieu. Ça, c'est le meilleur vêtement. C'est d'avoir dans le cœur la piété. Huwa libas al-khawf min Allah, et le vêtement de la crainte de Dieu. Huwa libas al-haya min Allah qabla an-nas. Le meilleur vêtement est celui de la pudeur vis-à-vis de Dieu avant le vis-à-vis des gens. وَلْنَحْضَرْ الشَّيْطَانِ, et qu'on se méfie de Satan. الَّذِي أَخْرَجَ وَالِدَيْنَا, Satan qui a fait sortir nos parents du paradis. Adam وحواء من الجنة وَنَزَعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا, qu'on craigne, qu'on se méfie de Satan qui a ôté les vêtements de nos parents. Comme il a fait pour nos parents, il va vouloir faire pour nous. وَكَمَا فَعَلَ بِهِمَا سَيَفْعَلْ بِنَا. فَإِنْ أَنْزَلَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ, dans le cas où il les a fait descendre du paradis vers la terre, فَقَدْ أَنْزَلَ كَثِيرًا مِنَّا مِنْ مَرْتَبَةَ الْبَشَرِ إِلَى مَرْتَبَةَ الْحَيَوَانِ أَوْ أَكْتَرِ. Exactement de la même manière, comme il a fait descendre du paradis vers la terre nos parents, il a fait descendre beaucoup parmi nous du niveau des humains vers le niveau des animaux. Les animaux ne s'habillent pas. الحيوانات لا تلبس اللباس, لا تعرف اللباس, لا تكن حيوانا, ne sois pas un animal, ô musulman. السؤال الثاني, la deuxième question, ما هي حدود العورة الواجب سترها في الإسلام, quelle est la limite de la partie intime à cacher en islam? Je parle toujours pour la femme. Le problème se trouve dans les femmes. الجواب من سورة النور الآية 31. La réponse est tirée du chapitre La Lumière, verset 31. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, et de ne montrer de leur parure, la parure des femmes, et de ne montrer de leur parure que ce qui en paraît. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى, jusqu'au verset dans lequel Dieu dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin de récolter le succès. مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ, à partir de ce verset, فَهِمَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أن عورة المرأة أمام الرجال, à partir de ce verset, la majorité, je ne dis pas tous les savants, mais la majorité des savants ont compris que la partie intime d'une femme, أن عورة المرأة أمام الرجال, en présence des hommes, هي جميع الجسد إلا الوجه والكفين, la partie intime d'une femme devant les hommes, sa partie intime, c'est tout le corps de la femme, à part le visage et les deux mains. فهما المقصودين بقوله إلا ما ظهر منها, parce que ces deux parties le visage et les mains sont les désignés par le verset coranique, à part ce qui en paraît, c'est-à-dire ce qui paraît de la parure. Et ce qui paraît souvent, c'est ce qui est sur le visage ou sur les mains. فَزِينَتَهُمَا تَظْهَرْ أَمَّا الْأُخْرَ فَتُسْتَرْ. La parure de la main ou du visage apparaît, mais les autres parures sont cachées. تُسْتَرْ. وَيُؤَيِّذْ هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدْ مُرْسَلًا أَنَّ أَسْمَاء بِنْتْ أَبِي بَكْرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Ceci est appuyé par un verset ou par un hadith qui n'est pas continu et qui est rapporté par Abu Daoud que Asma, fille de Abu Bakr, est entrée voir le messager de Dieu. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق. Elle portait des habits légers, transparents. فأعرض عنها. Le prophète a tourné son visage. وقال, et il a dit, يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض. أو أسماء, quand la femme atteint la période des menstrues ou l'âge des menstrues, lam yuslih an yura minha illa hada, il n'est pas bien pour elle de montrer que ces deux. Il a montré le visage et les deux mains. Wa adhar al-wajh wa al-kaffayn. As-su'al al-thalith, la troisième question. Hal yajuz lir-rajul an yandhur lil-mar'a wa hal yajuz lil-mar'a an tandhur lir-rajul? Est-il permis à l'homme de voir la femme? Est-il permis à la femme de voir l'homme? Al-jawab min surat An-Nur al-aya 31. La réponse est tirée du chapitre La Lumière, verset 31. Yaqul Allah, c'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ma tchoufch mra w tbqa tchouf. Ahbas. Beddel. شوف نزل شوف احشم من الله تعالى وتبارك خاف من الله تعالى علفك شوية الإيمان خاف من الله واحد ما كيشوفك ولكن الله كيشوفك هذيك الساعة اللي كتسرق ديك النظرة في واحد المرأة فاتت قدامك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم دي او كرويون دو baisser leur regard, de préserver leur regard et de garder leur chasteté. Dalika azka lahum, c'est plus pur pour eux. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. شوف هذه الايه شحال صعيبه. Inna Allaha khabirun bima yasna'un, بمعنى لما ترى المراه وهي لا تحل لك هذا حرام والله خبير بما صنعت. الله معك لما تسرق النظره. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. C'est-à-dire lorsque tu regardes une femme et c'est interdit pour toi de la voir, Dieu connaît ce que tu as fait. Dieu est avec toi. C'est dur comme verset coranique. Wa qul lil mu'minati yaghdudna. Hada هذه المعادلة هذه المساواة l'égalité entre l'homme et la femme. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Et dit aux croyantes de préserver ou de baisser leur regard et de garder leur chasteté. أمر من الله إلى الرجال المؤمنين. Un ordre venant de la part de Dieu à tous les hommes croyants. بعدم الرؤية إلى المرأة المستورة, de ne pas voir la femme ou le corps de la femme qui porte son voile. امرأة مستورة بحجابها لا يجوز لك أن تراها. Une femme qui porte son voile, qui est correctement en islam habillée, tu ne dois pas la voir. فما بالك إذا كانت شبه عريانة أو عريانة في الشارع. Que dire si la femme est semi-nue dans la rue ou sur une plage, ou fichate, la femme couverte, tu ne dois pas la voir. Ceci signifie que la femme semi-nue ou nue complètement, tu ne dois pas la voir. Ça devient pire comme haram. وما بالك إذا كان هو الذي اشترى لها اللباس الساقط. Et que dire si c'est son mari qui lui a acheté l'habit ou le vêtement qui n'est pas musulman, qui montre le haut de sa poitrine ou qui montre autre chose de sa partie intime. وَمَا بَالُكَ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهَا مَعَهُ إِلَى صَهْرَةِ الْعُرْسِ. Et que dire si c'est son mari qui a pris sa femme avec lui vers la soirée dansante de la fête. حَيْثُ الْإِخْتِلَاطُ وَالرَّقْسُ وَالْخُمُورُ. Là où il y a la mixité, la danse et le vin. Et il accepte que sa femme soit presque semi-nue devant les autres hommes. Et danse avec les autres hommes. وَمَا بَالُكَ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهَا وَالْبَنَاتِ إِلَى الْبَحْرِ لِيُخَالِطْنَ دِئَابَ الْبَشَرِ. Et que dire si c'était lui Et que dire si c'était lui qui a pris sa femme, ses filles, vers la plage pour être en mixité et en nudité devant les loups humains. انظروا إلى أين وصل حال المسلمين. Regardez où l'état des musulmans est arrivé. امرأة سمعتها تتكلم في إذاعة من الإذاعات الفرنسية. J'ai entendu une femme qui parlait dans une radio française. وهي زعيمة لمنظمة تدافع عن النساء. Cette femme est une présidente d'une association, une organisation qui défend les femmes en France. قالت, elle a dit, أنا كلما رأيت امرأة عارية في صورة احسست باعتداء على نفسي انا كامراه. Chaque fois que je repère une femme nue sur un panneau publicitaire, je sens une atteinte envers moi, je sens une agression envers moi, envers ma personne comme femme. وقالت هي لا تفهم ما هي العلاقه بين امراه مثلا وقهوه. Elle a dit qu'elle n'arrive pas à comprendre le lien qui se trouve entre une femme nue et le, par exemple, et le café. شركات تقوم بامرأة عارية في الإشهار لتقوم ببيع البضاعة. Il y a des entreprises qui utilisent le corps d'une femme nue dans la publicité afin de vendre le produit. الشركات خسرانة. Ces entreprises sont perdantes. لأن الرجل لا ينظر إلى القهوة. الرجل ينظر فقط للمرأة. هو سائق سيارة من بعد راح ما نظر ما هو يعني الشيء الذي يريد أن يراد منه أن يشتري. L'homme ne regarde pas le produit, ne regarde pas le café. L'homme va regarder seulement le corps nu de la femme et après il va continuer son chemin. Le feu vert s'allume, il continue, il va pas voir même le produit, il va pas voir le produit. أقول أكثر من ذلك. Je dis plus que ça. الرجل ولهذا حرام الرؤية حتى للصورة حتى في التلفزة. Raison pour laquelle c'est interdit, un musulman il lui est interdit de voir le corps nu d'une femme même sur une photo, même à travers la télé. لماذا؟ لأن الرجل لما ينظر لصورة امرأة هذه الصورة كما قالت المرأة في الإذاعة. Comme l'a dit la femme à travers la radio, l'image qu'on nous montre n'est pas réelle, n'est pas normale. Elle est travaillée, elle est affinée par l'ordinateur et les techniques modernes. Ce n'est pas un corps normal d'une femme normale qui a fait 5 enfants. Ramène cette femme et dis-lui fais 5 enfants et regarde son corps et comment il va devenir. Tu as fait à ta femme 5 enfants et après tu demandes à ta femme de devenir comme celle qui est sur la photo. C'est l'injustice. هذا الظلم. امرأة عندها 5 أولاد وتخدم وتساعد وكذا بغيتها تكون بحال هذيك؟ لا يمكن. لما الرجل يشوف هذه الصورة, lorsque l'homme ne préserve pas le regard, ما يغض البصر, et il voit la femme nue, ايش يصير؟ ماذا يصير؟ Qu'est-ce qui arrive? Il commence à comparer l'homme, le corps faux qui n'existe nulle part, ce corps, parce qu'il est travaillé avec le corps de sa femme. سيقارن هذا الجسم العاري جسم الكذب مع جسم زوجته وسيعيش عذاب il va vivre une souffrance intérieure. Pourquoi sa femme n'est pas comme celle-ci et celle-ci n'existe nulle part, mais c'est du rêve. سيقول لماذا جسم زوجتي انا مش مثل هذا الجسم. ربما سيخون زوجته, peut-être il va tromper sa femme. ربما سيطلق, peut-être il va divorcer. انظروا الان الى المراه, et regardez maintenant la femme. La femme, lorsqu'elle voit le corps d'une femme nue, elle va faire une comparaison entre le corps nu et son corps à elle. ستقوم بمقارنه بين هذا الجسم وبين جسمها وتقول زوجي راى هذا الجسم بمعنى انا سقطت في عينه. Elle va dire mon mari a vu ce corps nu, ça veut dire je vaux plus rien devant lui. ستعيش حرب نفسية, elle va vivre une guerre psychologique. ومن بعد ستقول كي أصبح مثل هذه, elle va dire par la suite afin de devenir comme celle-ci je dois faire, يجب أن أقوم بعملية جراحية تجميلية, je dois faire une opération chirurgicale de beauté pour devenir comme elle. أقول لك يا أختي والله إن كنت في مكانك والله لن أقوم بعملية من أجل زوجي, إما يقبلني كما أنا إن كان مسلما وإلا فليشرب ماء البحر. Je dis, dans le cas où je suis à la place de cette femme, par Dieu, je ne ferai pas cette opération. Je dis à mon mari, soit tu m'acceptes comme je suis parce que c'est toi la cause, ou si ça ne te plaît pas, bois l'eau de la mer. Si tu n'es pas musulman, bois l'eau de la mer. لهذا قال الله أمرنا الله بغض البصر, raison pour laquelle Dieu nous a demandé, homme ou femme, de préserver le regard. إذا رأيت امرأة عارية تذكر الله وغض بصرك. Quand tu vois le corps d'une femme nue ou semi-nue, baisse ton regard, change ton regard. Dis اللهم إن هذا منكر. Dis au Seigneur, c'est blâmable ce que je vois. السؤال الرابع والأخير. La quatrième et dernière question. ما جزاء المرأة التي تعري شعرها وعنقها وذراعيها وصدرها وظهرها وساقيها أو أكثر من ذلك؟ Quelle est ou quelle sera la punition ou le châtiment pour la femme musulmane? Je parle de la femme musulmane, l'autre est libre. La femme musulmane qui montre ses cheveux, son cou, ses bras, sa poitrine ou son dos ou ses jambes ou plus ou moins. يجيب عن هذا السؤال محمد صلى الله عليه وسلم. C'est le prophète Mohammed, prière et sagesse sur lui, qui va donner une réponse pour cette question. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه, la réponse se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim. صنفان من أهل النار لم أرهما, deux catégories faisant partie de l'enfer, je les ai jamais vus. Ça veut dire à son époque, il n'y avait pas ces gens-là qui vont apparaître dans l'avenir. لم يرهما ما كان هذ الصنفان موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. Des gens, des hommes avec des fouets comme qui ressemblent aux queues des vaches avec lesquelles ils frappent les gens. ونساء كاسيات عاريات, et des femmes habillées et en même temps déshabillées. مميلات مائلات, inclinantes et inclinées. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, leur tête ressemble au dos des chameaux. لا يدخلن الجنة, elles n'entreront pas au paradis. ولا يجدن ريحها, et elles ne trouveront pas le parfum du paradis. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا, et on rencontre le parfum du paradis d'une telle distance, décrite dans un autre hadith de 500 ans, 5 siècles. يعني من قبل 500 عام تشم رائحة الجنة. هاد النساء ما يشموا ريحة الجنة حتى ما يقربوا الجنة ب 500 عام. هؤلاء النساء ممنوعات أو ممنوعة عليهن الجنة. Ces femmes, le paradis est interdit pour elles. لأنهن كن يكسين بعضا من جسمهن ويعرين الآخر. Parce qu'elles couvraient une partie de leur corps et elles laissaient non couvertes d'autres parties. ويتمايلن في المشية. Elles s'inclinent à droite et à gauche dans leur marche. Elles ne marchent pas une marche normale. ما كيمشوش مشي عادية لا كيتمايلوا هكذا أمام الرجال فيميل إليهن الرجال مائلات في مشيتهن مميلات بأفعالهن للرجال مائلات مميلات يميل إليهن الرجال elles s'inclinent à gauche et à droite dans leur marche et comme ça elles inclinent vers elles le regard des hommes. أيها الإخوة لقد صار العري في الصيف أمرا عاديا. Mes frères et mes sœurs, la nudité est devenue une chose habituelle, une chose normale, ordinaire en été. فأوصيكم ونفسي بالصبر كثيرا. Je vous recommande à moi-même beaucoup de patience et d'endurance. وبغض البصر كما أمر الله. Je vous recommande à moi-même de préserver le regard comme Dieu l'a demandé. وأن نقول على الأقل اللهم إن هذا منكر. Et qu'on dise intérieurement au minimum au Seigneur ce qu'on voit est blâmable. وأن لا نختلط مع هذا الصنف من الناس. Et qu'on se mélange pas, qu'on fréquente pas les mêmes lieux que ces gens qui sont nus. في مكان من الأماكن إلا للضرورة qu'on ne se mélange ou qu'on ne fréquente les mêmes lieux que pour le cas de besoin ou de nécessité وأن نأمر نساءنا وبناتنا بلبس الحجاب الإسلامي et qu'on demande à nos femmes et nos filles de porter le voile islamique بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة leur dire bien sûr avec la bonne parole et la meilleure façon فإننا مسؤولون عنهن يوم القيامة parce que on est responsable d'elles le jour de la résurrection فإن قلنا هناك حر كبير si les filles ou la femme disent qu'il y a beaucoup de chaleur la température est excessive هناك عرق كثير il y a beaucoup de transpiration je peux pas porter le voile فإن الله يقول في سورة التوبة Dieu dit dans le chapitre le repentir قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. S'ils comprennent bien, dis-leur que le feu de la GN est plus ardent. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Qu'ils rient moins, qu'ils pleurent plus en récompense de ce qu'ils faisaient. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu إننا الآن في الأسبوع الأول من شهر رجب on est actuellement dans la première semaine du mois de Rajab Rajab من الأشهر الحرم Rajab fait partie des mois sacrés en Islam فهم الأشهر الحرم أربعة les mois sacrés sont au nombre de quatre ذو القعدة ذو الحجة le mois du pèlerinage et le mois qui le précède et le mois qui le succède محرم وشهر محرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان et le mois de Rajab qui se trouve entre le mois de جمادى et de شعبان شهر إننا في شهر محرم on est dans un mois sacré بمعنى العبادة في هذا الشهر جد مضاعفة ça veut dire l'adoration dans ce mois est très bien récompensée والحرام في هذا الشهر العذاب عليه جد مضاعف et faire l'interdit dans ce mois le châtiment est plus sévère pour le haram accompli dans ce mois أحسن عبادة هي ذكر الله تعالى وتبارك قراءة القرآن الصيام الصدقة إلى آخره. Les meilleures adorations sont l'évocation de Dieu, la récitation coranique, le jeûne ou donner l'aumône. هذا الشهر فيه رائحة رمضان. يذكرنا بأن رمضان قريب. لم يبق بيننا وبين رمضان إلا شهر شعبان. Ce mois nous annonce la couleur du mois de Ramadan. C'est-à-dire le mois de Ramadan est devenu tout proche. Il n'y a qu'un seul mois qui nous sépare du mois de Ramadan, c'est le mois de Sha'ban. ونسأل الله تعالى وتبارك أن يبقينا أحياء حتى يوصلنا إلى رمضان. Et on demande à Dieu à cette occasion de prolonger dans notre vie pour nous faire atteindre le mois de Ramadan. إنه على كل شيء قدير. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت ساعد نساءنا وساعد بناتنا على حمل الحجاب. يا رب من كانت من النساء المسلمات لا ترتدي الحجاب يا رب اهدها لحمل الحجاب. يا رب أدخل حب الحجاب في قلبها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب من كانت تحمل الحجاب اللهم بحملها الحجاب في هذا الصيف اللهم اغفر ما تقدم وما تأخر من ذنبها. اللهم يسر للأخت التي تحمل الحجاب سهولة العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا ممن يغض البصر أمام ما يسيئك من النظر. يا رب اجعلنا ممن يغض أبصارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين وصل وسلم وبارك في هذا اليوم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.